À son réveil, il raconta son rêve à son père. Les songes sont de pure illusion, lui dit celui-ci. Êtes-vous assez simple pour croire que les noms de ceux qui mangent du bœuf dans tout l'Empire retentissent au tribunal du ciel ? La nuit suivante, le père eut le même songe que son fils, et fut rempli du plus grand étonnement. Le lendemain matin, le père et le fils brûlèrent des parfums. Ils adressèrent des prières au ciel, et jurèrent de ne manger de leur vie, de la chair de bœuf. Cette année, Chu Chifan obtint en effet le grade de Kuangyuan, et Sui Ming n'eut que le troisième rang sur la seconde liste. Sous le règne de Long Qing, 2567 à 1573, avant l'époque du concours général pour le grade de docteur, deux licenciés nommés Cao Zufu et Kutai Wen, de Qiangqin, allèrent se faire inscrire ensemble. Après le concours, Kutai Wen vint de grand matin trouver Cao Zufu, et lui dit « J'ai vu la liste de la promotion de printemps. » Cao fut rempli d'émotion, et pria son condisciple de satisfaire sa curiosité. Hier soir, lui répondit Ku, j'ai rêvé que j'étais transporté au ciel. Je vis sur la liste les mots Kutai Wen, mais ils étaient presque entièrement raturés. Comme j'en demandais la cause, un magistrat me dit, vous aimez à manger de la chair de bœuf? Votre nom a été effacé en punition de ce crime. À ces mots, mon cœur éprouva un saisissement subit. Pourquoi ne priez-vous pas le ciel, me dit un homme qui était placé à mes côtés. Aussitôt je confessai mon crime, et je m'écriai, dès ce moment, je renonce à manger de la chair de bœuf. Le magistrat fut rempli de joie. Il prit un pinceau, et écrivit de nouveau mon nom de famille et mon surnom. Je demandai alors la liste, et l'ayant regardé attentivement, je vis votre nom qui était écrit au-dessous du mien. Dans la suite, ils obtinrent le titre de docteur. Pendant tout le reste de leur vie, ces deux hommes renoncèrent à manger de la chair de bœuf. On voit par les exemples qui précèdent qu'il n'est point permis aux hommes de tuer des animaux pour satisfaire leur appétit, mais ils doivent surtout s'abstenir de manger de la chair de bœuf. Laissez perdre ou jeter les cinq sortes de grains. Commentaire. Le mot san, 1, signifie éparpiller. Le mot ki, 2, signifie jeter, gâter, détruire. Par vous Cao, on entend les grains les plus estimés, savoir, ceux qu'on appelle Tao, Chou, Zi, Me et So. Le ciel les envoie pour nourrir les peuples. Nous devons en conséquence les estimer et les ménager comme des choses d'un grand prix. Si nous les laissons répandus dans le champ sans les ramasser, si nous les laissons pourrir dans les greniers, si nous les jetons à terre, où ils seront foulés aux pieds, si nous les jetons dans l'eau ou dans le feu, nous nous attirerons la colère du ciel, qui tantôt frappera nos terres de stérilité, tantôt les désolera par la sécheresse ou l'inondation, et nous serons réduits à mourir de faim. Histoire. Meng Yuchang, père de Yiminute, qui vivait sous les Qin, étant allé un jour dans un certain lieu, vit un tas de riz cuit, qu'on y avait laissé au fond d'une vieille marmite. Il le recueillit, le lava dans une eau pure et le mangea. La nuit suivante, il vit en songe un esprit qui lui dit « Le zèle que vous avez mis à faire une bonne œuvre vous a rendu digne d'obtenir le bonheur. Je suis le dieu Tsetong Tikyu. Je vais descendre sur la terre pour illustrer votre famille. » Bientôt après il eut un fils nommé Yiminute, qui devint président des tribunaux suprêmes. Son père et sa mère reçurent de l'empereur des lettres de noblesse. La famille de Qin, qui obtint la charge de juge, avait honoré, pendant plusieurs générations, le dieu Yuan Ti. Une nuit ce dieu lui apparut en songe, et lui dit, « Vos domestiques jetaient et laissent perdre les cinq espèces de grains. Comment pouvez-vous souffrir cette conduite coupable, et ne pas les surveiller avec l'attention sévère, qui convient à un maître de maison ? Leur crime retombe sur vous. Dans quelques jours, il vous arrivera quelque grand malheur. » À son réveil, Chin alla visiter la cuisine, et reconnut la vérité de l'avertissement qu'il avait reçu. Aussitôt il appela les domestiques, les envoya tous se promener sur le lac voisin, et les pria de l'attendre. Quand ils furent partis, il lava avec soin le riz qu'ils avaient jeté dans un égout, l'assaisonna avec du poivre, y mêla des légumes, et en fit un potage. Les domestiques attendirent en vain leur maître et ne rentrèrent que fort tard. Comme ils étaient pressés par la faim, ils mangèrent avec avidité le potage que Chin leur avait préparé. Au bout de quelques jours, le maître expliqua à ses domestiques ce qu'il avait fait, et dès ce moment, ils se corrigèrent. En récompense de cette bonne action, Chin échappa au malheur dont il était menacé. Un homme nommé Wang Fu, qui était ministre sous la dynastie des Song, demeurait près d'un temple de Hefo. Tous les jours, les eaux qui s'échappaient de l'égout de sa maison roulaient sans cesse des grains de riz blancs comme la neige. Un religieux recueillit soigneusement ce riz, le lava, le fit sécher au soleil et en forma un monceau. Quelque temps après, la ville de Tsingkang fut prise d'assaut. Toutes les personnes de la maison de Wang Fu se trouvèrent privées d'aliments. Le religieux fit cuire le riz qu'il avait recueilli peu de temps auparavant et échappa ainsi aux rigueurs de la famine. Bientôt après, Wang Fu fut massacré. Sous la dynastie des Song, vivait un homme de Longyu dont la femme s'appelait Wuxi. Un jour elle se disputa avec sa belle-mère pour avoir un plat de riz, et aussitôt qu'elle s'en fut emparée, elle alla le jeter dans l'auge d'un porc. Quelques instants après, l'animal et la femme furent frappés de la foudre. On voit par ces exemples que ceux qui respectent et ménagent les cinq espèces de grains obtiennent le bonheur, échappent au malheur qui les menaçait, et que, au contraire, ceux qui les laissent perdre ou les jettent, ne manquent jamais d'en être punis par le ciel. Liu Yuanqin, se promenant un jour sur le mont Chongnanshan, rencontra un personnage illustre qui lui dit « Je suis le dieu de cette montagne. » Le maître du ciel, voyant le froment en pleine maturité, et sachant que le peuple ne saura pas le ménager, va envoyer le vent et la pluie sur les moissons, pour qu'on n'en récolte que la moitié. En effet, le vent et la pluie détruisirent la moitié des moissons. Cet exemple nous montre que les années de stérilité ne viennent que par la faute des hommes, qui laissent perdre les cinq sortes de grains. Harasser et faire souffrir les hommes et les animaux. Commentaire. Le mot lao, hein, signifie ici accablé d'un travail pénible. Le mot jao, deux, veut dire tourmenter quelqu'un, lui faire du mal. L'expression Chongsan, littéralement les êtres vivants, désigne à la fois les hommes du peuple et les animaux domestiques. Celui qui, sans motif raisonnable, accable le peuple de fatigue et fait souffrir les animaux, commet le plus grand des crimes. Histoire. L'empereur Yin Song, de la dynastie des Ming, aimait beaucoup les choses rares et précieuses. Un eunuque lui dit un jour que dans les années Xuante, de 1426 à 1436, l'empereur avait envoyé Wang Sanpiao dans le Xiyang, et qu'il en avait rapporté une quantité immense de choses précieuses. L'empereur ordonna aussitôt au tribunal de la guerre d'examiner le chemin qu'il fallait suivre pour y aller. À cette époque, Liu Taya était secrétaire du tribunal de la guerre. Il cacha d'avance le mémoire où ce fait se trouvait consigné. Yang Chong, président du tribunal, ordonna à un employé de le chercher de tous côtés, mais il n'y put réussir. Comme il voulait réprimander cet employé, Liu lui dit, lorsque San Piao alla dans le Xiyang, il accabla l'armée et le peuple de fatigue et de souffrance. 10 000 hommes moururent à la peine. Quoiqu'il ait rapporté beaucoup de choses précieuses, à quoi ont-elles servi? Quand l'ancien décret relatif à cette mission existerait encore, il faudrait le jeter au feu. Qu'a-t-il besoin de faire des recherches pour savoir s'il existe ou s'il est perdu? À ces mots, Yang Chong descendit de son siège. Il salua Liu et lui dit, en avant sa faute. Vous avez accumulé en secret de grandes vertus. Bientôt cette charge vous reviendra. Quelque temps après, Liu fut en effet nommé président du tribunal de la guerre. C'est ainsi que fut récompensé Liu Taya pour n'avoir pas voulu harasser et faire souffrir le peuple. Yang Taichin, favorite de Yuan Song de la dynastie des Tang, aimait avec passion le fruit du litchi récemment cueilli. Pour s'en procurer, elle envoyait des cavaliers rapides qui parcouraient un espace de 1 000 lis depuis Lingnan jusqu'à Chang'an. Dans ces excursions, il mourait toujours un grand nombre d'hommes et de chevaux. Dans la suite, quand le prince en Loshan se fut révolté, elle accompagna l'empereur dans le pays de Chou. À peine furent-ils arrivés à Mavei, que l'empereur lui fit donner la mort. C'est ainsi que fut puni Yang Yaichin pour avoir harassé et fait souffrir les hommes et les animaux. Ruiner les propriétés des autres et s'emparer de leurs richesses. Commentaire. Le mot Kia, 4, signifie ici bien, propriété, patrimoine. Celui qui a le cœur assez pervers pour ruiner les propriétés des autres et s'emparer de leurs richesses, ne jouit jamais longtemps de cette fortune mal acquise. Bientôt il la perd et tombe dans le malheur. Histoire. Tang Yong, qui vivait sous la dynastie des Song, était d'un naturel aussi rusé que pervers. Il y avait dans son village un jeune homme extrêmement riche. Tang lia amitié avec lui. Puis, à force de ruse et de stratagèmes, il parvint le dépouiller de tous ses biens et le réduisit à demander l'aumône. Tang, une fois maître des richesses de son ami, fit le commerce de sel, et pendant 20 ans, il parcourut, pour cet objet, les rivières et les canaux. Sur le fleuve Qiang, il tomba entre les mains des voleurs. Dans la troupe, se trouvait un jeune homme qui ressemblait au riche héritier. Il garrottait Tang et son fils, déshonora leur femme, et disparut après lui avoir enlevé toutes ses richesses. Yong fut ruiné par cette catastrophe, et mourut dans une extrême misère. Un homme de la province de Chekiang, nommé Mi Sinfu, était d'un caractère rusé et avait un extérieur doux et caressant. Il y avait dans son village 2 frères très riches, qui se disputaient un héritage. Il excita le cadet à plaider contre son aîné, et comme il avait des intelligences avec les magistrats du tribunal, il les ruina tous les deux et s'empara de leurs richesses. Les 2 frères en moururent de chagrin. Sinfu s'enrichit tout à coup et garda sa fortune pendant 20 ans. Mais dans la 15e année du règne de Tsea Xingtsong, de la dynastie des Yuan en 1278, il fut impliqué dans un complot de révolte et fut traduit devant le tribunal du district. Le juge, qui ressemblait au frère cadet, lui ordonna d'avouer son crime. Sinfu, rempli de colère et de dépit, en appela au tribunal du département. Mais le juge du département, qui ressemblait encore au frère aîné, lui ordonna d'avouer son crime. Il fut dépouillé de tous ses biens et mourut en prison avec toute sa famille. Voilà le châtiment des hommes qui s'emparent de ce qui ne leur appartient pas. Il ressemble à ceux qui boivent du vin empoisonné et mangent de la viande corrompue. Quoiqu'ils apaisent un instant leur soif et leur faim, ils ne tardent pas à périr d'une manière cruelle. Ces exemples devraient dissiper l'aveuglement de ceux qui joignent la fraude à la rapacité. Ouvrir les digues des rivières et allumer des incendies pour ravager les habitations des autres. Commentaire. L'expression « qu'eau échouit » signifie creuser la terre et ouvrir un passage à l'eau. Les mots « minutu » signifient les lieux où demeurent les hommes. T.C.H.N.T.C.H.N.T.C.H.N. disait « réparer les ponts et les routes, arrêter un incendie ou une inondation, ce sont des actions très méritoires ». Ainsi donc lorsqu'un homme éprouve les désastres de l'eau ou du feu, nous devons faire tous nos efforts pour le sauver et conserver sa vie. Si, au contraire, nous ouvrons les digues d'une rivière pour noyer les hommes, si nous allumons un incendie pour les ruiner, nous serons punis, à la face du monde, par les lois de l'État, et nous serons tourmentés en secret par les démons et les esprits. Ni les lois ni les démons ne peuvent tolérer cette coupable conduite. Histoire. Yang Ping, qui vivait sous la dynastie des Song, demeurait près du fleuve jaune. Il amassait des monceaux de plantes et de fascines, et quand, par bonheur pour lui, le fleuve rompait ses digues, il les vendait et en retirait un grand profit. Pour mieux parvenir à son but, il engagea un jour des hommes endurcis dans le crime à percer les digues du fleuve. Le gouverneur du district, qui s'appelait Chao Changyen, fut instruit de sa conduite. Un jour, après une grande pluie d'automne, les employés qui gardaient les digues poussèrent des cris d'alarme. Changyen leur ordonna de prendre sur le champ les plantes et les fascines accumulées dans la maison de Yang, pour boucher les digues. Ensuite il mit Yang Ping en prison, et lui fit subir la peine qu'il avait méritée. C'est ainsi que les lois de l'État punissent ceux qui font déborder les eaux pour nuire aux autres. Liuan, qui vivait sous la dynastie des Qin, servait sa mère avec une piété accomplie. Un jour un étranger vint lui demander à coucher. Yuan venait de tuer une poule. Il prépara ensuite du riz pour le dîner, mais il n'offrit point de la poule à l'étranger. Celui-ci entra en colère et refusa de manger. Liuan lui dit « Ma mère est malade, et elle a envie de manger de la viande. C'est pour cela que j'ai tué une poule, et que je ne vous en ai point offert. » L'étranger s'emporta encore davantage et sortit brusquement. Cette nuit même, le feu prit derrière la maison, et était sur le point d'atteindre la cabane de Liuan. Mais tout à coup le ciel apaisa le vent et envoya une pluie abondante qui éteignit le feu. Les voisins étant accourus, ils virent un homme étendu par terre et entouré de flammes, qui tenait une torche dans sa main. C'était l'étranger qui était venu demander l'hospitalité à Liuan. « Je suis Pukuangting, leur dit-il. Je m'étais sauvé dans ce pays pour échapper à la mort, mais comme l'hôte m'a traité d'une manière mesquine, j'ai mis le feu avec cette torche pour le brûler dans sa cabane. » Tout à coup le dieu Tsetong Tikyu apparut au haut des nuages. D'une voix menaçante, il ordonna au feu de s'éteindre et de me consumer au lieu de l'hôte. À ces mots, il expira. C'est ainsi que les dieux punissent ceux qui allument des incendies pour faire du mal aux autres hommes. bouleverser les plans et les projets des autres pour détruire leurs exploits. Commentaire. L'expression Wenlohan signifie mettre sans dessus-dessous, confondre, bouleverser. C'est ne pas se conformer au plan qu'un autre a tracé. L'expression Kwei Mega Octe signifie ici un projet bien calculé et bien arrêté, une ligne de conduite tracée avec sagesse. Les mots Pai Jin Kong 6-7-8 signifient renverser et détruire les travaux, les exploits des autres, soit ouvertement, lorsque ces plans heureusement combinés n'ont pas encore reçu leur entière exécution, soit secrètement, en bouleversant ou en changeant ses plans pour obéir à de basses passions. En général, pour tracer et arrêter un plan qui doit contribuer à la prospérité de l'État ou au bien-être du peuple, il faut souvent déployer toutes les ressources de son esprit. Si, par une basse jalousie, nous renversons de propos délibérés les exploits des autres, il est à craindre que nous ne puissions échapper ensuite au châtiment que nous avons mérité. Histoire et Yangni avait été chargé par l'empereur d'aller châtier des rebelles. Quand il fut arrivé à Huangcheou, il communiqua le stratagème suivant à Wang Xin, qui était inspecteur général de l'armée. Dès que mes troupes seront arrivées, lui dit-il, les rebelles ne manqueront pas de s'avancer contre moi avec toute leur force. Alors vous mettrez vos troupes en embuscade à l'entrée de la vallée appelée Shikieku. J'y amènerai les ennemis, et aussitôt nous fondrons sur eux avec nos troupes réunies. Nous sommes sûrs de les tailler en pièces. Wang Xin fut jaloux du succès qu'espérait Yang Nie. Il emmena ses troupes et partit. Quand Yang Nie arriva, il ne trouva point son collègue. Bientôt après, les rebelles firent un prisonnier. C'était Wang Xin lui-même, qu'ils avaient pris pour un soldat de l'armée de Yang Nie. Ils le coupèrent par morceaux et le mangèrent. Si Wang Xin avait suivi le plan de Yang Nie, celui-ci aurait acquis une gloire honorable que Wang Xin aurait partagée avec lui. Mais en lui portant envie et en détruisant ses exploits, il commit un crime que punissent les lois de l'État. Il avait donc mérité d'être coupé par morceaux et mangé par les rebelles. Gâter les outils des autres hommes pour les mettre dans l'impossibilité de s'en servir. Commentaire. Le mot sun, un, signifie détériorer, détruire. L'expression qui we désigne, par exemple, le papier et le pinceau d'un lettré, les armes d'un militaire, la hache et le ciseau d'un charpentier, les filets d'un pêcheur, la charrue et la houe d'un laboureur. Ce sont des objets dont ils ont absolument besoin. Si vous les détériorez secrètement, de manière qu'au moment du travail ils ne puissent en faire usage, alors vous nuisez aux autres hommes, vous empêchez l'exercice de leur profession, vous renversez leurs projets. Comment pourriez-vous échapper au châtiment que mérite un tel crime? Histoire. Kui Qing, qui était le précepteur du prince Chu, racontait le trait suivant. Il y avait dans la province de Chekiang, deux étudiants qui s'étaient fait un nom par leur habileté à expliquer le TCHNTS'U. Le soir du jour qui précédait le concours d'automne, l'un d'eux prit le pinceau avec lequel son condisciple se proposait de mettre au net sa composition, et en coupa la pointe avec ses dents. Quand celui-ci fut entré dans la salle, et qu'il eut tiré son pinceau, il vit que le bout était entièrement coupé. Il se mit à pleurer amèrement, et voulait jeter le papier destiné à écrire sa composition, et s'en aller. S'étant appuyé sur la table, en faisant semblant de dormir, il sentit que quelqu'un le pressait d'écrire. Il se leva, et vit que son pinceau était entier et intact. Quand il eut fini d'écrire, le pinceau redevint usé comme auparavant. Il remit sa composition à l'inspecteur et sortit de la salle. Il rencontra son condisciple, qui lui dit « Êtes-vous content de votre composition ?»« Tirekhadrat, j'ignore si elle est bonne, lui dit-il en le remerciant, mais du moins je l'ai achevée. » Son condisciple devint rouge de confusion. Le lendemain, l'étudiant qui avait coupé le pinceau fut exclu du concours, mais son camarade, qui l'avait voulu empêcher de composer, obtint le premier rang. Il y avait à Taizhan, dans un chef-lieu appelé Shakichin, un homme riche nommé Chin, qui était d'un caractère violent et cruel. Si un voisin avait un champ contigu au sien, il ne manquait jamais d'empiéter sur lui et de dépasser ses limites. Si un voisin avait un filet, une charrue, une charrette, il empruntait ces objets et les détériorait secrètement, dans la crainte qu'il n'usure pas les bénéfices qu'il se promettait. La femme de son jeune fils était la seule personne qui le blâma et lui fit des représentations. Un jour, elle alla rendre visite à sa mère. Elle n'avait pas encore parcouru l'espace d'un lit, que le tonnerre gronda, accompagné d'une pluie violente. Un dragon entra dans la maison de Chin. Tous les objets qui s'y trouvaient disparurent en un clin d'œil, et toute la famille fut frappée de mort. Lorsqu'on voit les autres comblés de gloire et d'honneur, désirer qu'ils soient exilés ou chassés de leur pays. Commentaire. L'expression Yang Kuei signifie gloire et honneur. Le mot Liu, 7, veut dire exilé, déporté. Le mot Pien, 8, signifie chassé, expulsé dans une contrée lointaine. La gloire et les honneurs des hommes viennent tantôt de ce que dans leur vie passée, ils ont planté le bonheur, c'est-à-dire fait des actions méritoires. Tantôt de ce que leurs ancêtres ont accumulé des vertus. Quand nous voyons un homme arriver à ce point, nous devons lui accorder des éloges, lui témoigner de l'attachement, et le regarder avec un sentiment de respect. Si au contraire nous désirons qu'il soit expulsé de son pays et envoyé en exil, nous montrons tantôt de la haine et de la rancune, tantôt la plus basse et la plus coupable jalousie. Mais ceux qui forment de tels souhaits les voient rarement se réaliser, ils ne font qu'aggraver leurs fautes. Histoire Lien Tusun, qui vivait sous la dynastie des Song, ayant été exilé à Chuyai, Li Fu dit à Chaopu. Quoique le pays de Chuyai soit situé au-delà des mers, son climat n'est pas extrêmement mauvais. Quoique Chancheu soit situé dans l'intérieur de l'Empire, cependant il n'est pas un exilé qui en revienne vivant. Pourquoi ne pas y exiler Lien Tusun? Chaopu ne lui fit aucune réponse. Quelque temps après, Li Fu fut lui-même condamné à l'exil et envoyé à Chuyai. Cela ne suffit pas pour apaiser la colère de l'empereur.